La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment réaffirmer les lumières ? Avec l'émergence de la démarche galiléenne, l'homme s'est peu à peu autonomisé par rapport à la nature, jusqu'à se considérer, Descartes aidant, comme un être d'antinature. Non pas au sens où il serait opposé à la nature, mais au sens où il serait d'une essence différente. L'homme serait en somme métaphysiquement autre, voire quelque peu transcendant, au moins sur les bords. Cette coupure a constitué un aiguillage discret mais décisif qui a orienté la suite de l'histoire. Elle a notamment ouvert à la voie de la philosophie des Lumières, pour qui la nature doit être pensée séparément d'avec le reste. 3 ou 4 siècles plus tard, la science, qui fut longtemps considérée comme le moteur du progrès et de l'émancipation, présente un double visage. C'est grâce à la séparation installée entre nature et culture qu'elle est devenue si efficace et si conquérante, mais c'est à cause de cette même séparation que la nature, finalement traitée comme si elle était à notre seule disposition, s'est peu à peu abîmée. Oubliant qu'elle était poreuse, réactive, finie, au sens de non-infini, nous l'avons marquée d'une empreinte irréversible. Or, la dite nature nous rappelle aujourd'hui de mille et une manières que nous en sommes partie intégrante, que notre essence n'est pas si transcendante que cela. Alors, au motif de notre mauvais usage du monde, certains font le choix de délaisser l'idée de rationalité si chère à l'esprit des Lumières. Ne serait-il pas plus judicieux de refonder la rationalité afin qu'elle ne puisse plus servir d'alibi à toutes sortes de dominations? La question qui surgit alors est: comment procéder? Pour répondre à cette question, j'ai invité Corinne Pelluchon, qui est ici en studio en direct. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Gustave Eiffel, et vous publiez un livre passionnant qui s'intitule « Les Lumières à l'âge du vivant », qui répond très exactement à la question posée. C'est pour ça que je vous ai invité d'ailleurs. Alors quand on parle des Lumières, on parle souvent d'un esprit, l'esprit des Lumières. Alors qu'est-ce que c'est que cet esprit des Lumières? En quoi consiste-t-il? Alors c'est d'abord la réflexivité. C'est d'abord, comme le rappelait Foucault, avoir un rapport critique et faire du présent, de son époque, l'objet de son étude, afin d'en dégager les défis, les tâches, pour pouvoir renouer le lien entre la théorie et la pratique. Donc il n'est pas fixé, il évolue avec le temps. Oui, c'est un processus toujours inachevé, les Lumières. Mais on se présente souvent, nous occidentaux en tout cas, comme les dignes héritiers des Lumières, plus ou moins vaillants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut se définir ainsi? Ou est-ce qu'il y a une sorte d'éloignement contemporain par rapport à ce qui a été fondateur de ce qu'on appelle la modernité? Alors d'abord, les Lumières sont accompagnées par les anti-Lumières. Et les Lumières se définissent toujours par ce contre quoi elles luttent vaillamment. Ensuite, de nos jours, et peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une éclipse des Lumières, si bien que peu de philosophes se réclamaient des Lumières ou osaient le faire. Et l'universalisme, l'idée qu'on pourrait dessiner par la raison des points de vue communs, était abandonnée au profit de visions plus particularistes. Donc il y a quand même, et puis les technologies, vous l'avez dit, les sciences accusées d'avoir substitué au réel une pensée, une science physico-mathématique, ont été accusées donc d'avoir un double visage, d'être ambivalentes, de finalement montrer qu'il y a une inversion du progrès en régression. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il s'agisse d'abandonner cet héritage-là. Justement, il s'agit peut-être de sauver la raison dont Husserl le disait dans un texte magnifique de 35, qu'elle est un vaste titre et qu'elle n'est pas réduite au calcul, qu'elle n'est pas elle-même responsable de son dévoiement. On reviendra à cette conférence fameuse de Husserl en effet, mais avant je voulais qu'on évoque cet esprit très critique à l'égard des Lumières. Je pense à Bourdieu, Pierre Bourdieu, le sociologue, qui parle d'un obscurantisme des Lumières pouvant prendre, je le cite, la forme d'un fétichisme de la raison et d'un fanatisme de l'universel. Alors le fétichisme de la raison, c'est justement un dévoiement de la raison. Quand en prenant l'exemple du scientisme, qui est une manière, ou du réductionnisme, est une manière de réduire le réel à l'un de ses éléments, en oubliant que, justement, les idées, les sciences, disait Husserl, sont des habits du réel, qui peuvent coller très bien au réel, être essayants, mais qui peuvent aussi le déguiser. On devient dogmatique quand on prend ces objets d'étude ou ces outils pour éclairer le réel, pour la réalité. Et du coup, quand il parle de fétichisme ou de rationalité fétichiste, c'est une rationalité qui s'ampute d'une de ses dimensions qui est liée à l'interrogation sur ce qui vaut. La raison est à la fois interrogation pour cartographier le réel, pour découper le réel et agir sur lui, on a les sciences et les techniques de manière différente, et elle est aussi un regard dans ce qui est pour s'interroger sur ce qui vaut et qui est ouvert, qui est une interrogation qu'on pourrait dire plus morale. L'inversion de la rationalité, même en irrationalité, en aveuglement, en dogmatisme. En scientisme. En scientisme, qui donne naissance justement à une sorte d'occultation, parce qu'on oublie que l'humain confère le sens. On est dogmatique. Ce n'est pas la raison qui en est responsable, c'est un mauvais usage de la raison. Mais il est vrai, et là on va reprendre la question de la critique de l'universalisme qui est fréquente aujourd'hui, il est vrai que l'universalisme des Lumières a longtemps été un faux universalisme, s'abritant derrière des principes soi-disant généraux pour finalement imposer un mode de vie, une culture et mépriser les autres. Mais c'était un universalisme très large qui incluait celui qui est lié à la science et celui qui est lié aux droits de l'homme. Alors, l'universalisme d'antan, disons que méthodologiquement, était un peu faux parce que il était le produit d'une raison arrogante qui regardait les choses de haut et abstraite. Je crois que c'est ça la question. Alors que la raison est l'organe de l'universel, c'est aussi l'outil ou l'organe le plus intéressant pour dégager des normes universalisables qui peuvent justement parler à tous, mais évidemment il s'agit de le faire sans les imposer ou sans s'oublier soi-même comme étant celui qui confère un sens toujours partiel aux choses. Donc du coup la question de la méthode est fondamentale et aujourd'hui je crois qu'on peut tout à fait penser un universalisme qui ne part pas d'une définition abstraite de l'humain, mais qui s'appuie sur notre, par exemple, c'est ce que je fais de livre en livre, notre condition charnelle et terrestre. Et l'outil pour le faire, c'est quand même la raison qui, encore une fois, permet d'interroger le réel sans prendre ses outils d'interrogation pour le réel lui-même. Et ça, c'est là, j'en reviens, je ne peux pas m'en oublier cela, je reviens à la phénoménologie qui est justement cette approche philosophique qui naît au XXe siècle et qui consiste à ne pas s'oublier dans ces énoncés. Parce qu'une attitude, même celle du scientiste, est l'attitude ordinaire, la nôtre est naïve, c'est-à-dire qu'on a des opinions, des préjugés, mais on ne sait pas que ce ne sont que des opinions ou des préjugés, et on adhère aux choses, on croit que ce que l'on pense, c'est vraiment le réel, et du coup, on est dogmatique. Et l'idée, c'est justement de suspendre cette croyance, faire un pas de côté, avoir un rapport réflexif à ses propres énoncés et aussi justement dans la raison qui est rénovée par la phénoménologie, je trouve, permet d'appréhender pas à pas le réel en étant sensible à aux différentes interprétations auxquelles il peut donner naissance. Mais Corinne Peluchon, je voudrais insister sur cette question des droits de l'homme. Oui. Vous citez souvent Hannah Arendt, qui elle pronostiquait dès 1951, dans le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme, justement la fin prochaine des droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a une déclaration universelle de l'humanité, des droits de l'humanité, qui a été rédigée, je crois, en 2015. Oui. En quoi elle se distingue de la déclaration universelle des droits de l'homme ? Ça, c'est fondamental. Alors, je dirais qu'elle s'en distingue, mais elle est quand même dans le prolongement des droits de l'homme. Mais c'est vrai qu'elle s'en distingue au niveau des fondements, au niveau de l'anthropologie, au niveau de la conception de l'homme qui la sous-tend. Les droits de l'homme accordent à chaque personne une égale dignité et se fondent, pour de bonnes raisons, sur un individu, sur l'homme pensé comme un individu coupé de ses appartenances. Et donc, il est abstrait. Mais encore une fois, il fallait cette fiction théorique d'un individu pensée abstraction faite de ses appartenances pour pouvoir accorder une égale dignité à chaque personne et fonder l'État, non pas sur la religion, mais justement sur ses droits subjectifs. Néanmoins, on a gommé justement notre condition charnelle terrestre, notre responsabilité à l'égard des autres vivants, des générations futures, et aujourd'hui, à la lumière des technologies qui ont un impact sur des êtres pas encore nés, sur d'autres espèces, à la lumière de notre empreinte écologique, on voit que la limite à ma liberté ne peut pas être seulement l'autre homme actuel et même l'autre, mon contemporain ou même mon concitoyen, mais il y a justement le droit des générations futures à bénéficier d'un environnement sain, et non seulement m'oblige, mais est aussi la garantie pour faire que ces droits subjectifs, la liberté, la sécurité, la paix soient garantis. On doit veiller à ce que ceux qui viendront plus tard aient droit à des droits. C'est-à-dire qu'ils aient au moins droit à un environnement sain et que leurs ressources ne soient pas toutes au service de la dépollution, et pour qu'ils puissent continuer l'héritage des droits de l'homme, la justice sociale, etc., il faut effectivement que nous élargissions la conception de nos devoirs et obligations. Donc la Déclaration universelle des droits de l'humanité complète les déclarations des droits de l'homme en montrant que l'héritage des Lumières, la justice, la liberté, la paix, la démocratie, tout cela n'est pas garanti s'il y a une dégradation de l'environnement et si la santé est compromise. Donc du coup, mais en même temps, c'est à la fois la continuité et la rupture, dans un geste qui me plaît bien, la rupture, elle est entre parce que là, il y a vraiment conscience que le support de mes droits, c'est pas seulement le respect de l'autre humain actuel, mais le patrimoine naturel et culturel qui n'est pas à la mesure de chacun d'entre nous dans ce que nous avons plus individuel. Oui, mais ça, c'est une exigence terrible. Ah, oui. Comment s'assurer que ce que nous faisons garantit que cette déclaration sera respectée et que nos actions auront les effets qu'elle implique ? Alors d'abord, cette déclaration, elle est un geste symbolique fort. Elle a été signée par plusieurs pays, mais elle n'est pas contraignante. Pas contraignante juridiquement, mais c'est une évolution au niveau du droit, au niveau normatif. Bon, maintenant, comment faire pour que chacun d'entre nous prenne la mesure de ces responsabilités quasiment hyperboliques ? Alors là, je crois qu'il y a un effort de contextualisation. Et ça répond aussi à notre sujet, comment penser les Lumières aujourd'hui. Nos technologies ne sont pas du tout comme celles de Descartes qui pensait qu'elles nous rendraient comme maîtres et possesseurs de nature. Et au passage, je sauve le soldat Descartes qui n'était pas anthropocentriste. Pour lui, Dieu seul est cause finale, et c'est vraiment de l'arrogance, de la présomption que de croire que le monde a été fait pour nous et que nous pourrions connaître tout. Il y a des choses qui peuvent exister indépendamment de l'homme. Il le dit dans la lettre à Chanu du 6 juin 47, dans les lettres à Elisabeth du 15 septembre 45, etc. Quand vous dites 47, c'est 1647, excusez-moi. Mais effectivement, Descartes n'est pas le bad boy de la modernité. Je trouve au contraire qu'il est magnifique dans sa morale par provision, dans cette manière qu'il a de nous aider à trouver, quand nous sommes perdus en chemin, à nous accrocher à une direction pour pouvoir quand même nous en sortir dans cette maxime du discours de la méthode. Mais effectivement, c'est vrai que les technologies actuelles n'ont rien à voir avec celles de l'époque de Descartes, qui finalement servaient des fins civilisationnelles évidentes, qui étaient adossées à un projet d'émancipation, y compris au XVIIIe siècle, et surtout qui avaient pour but de prolonger la vie très courte des êtres. Aujourd'hui, non seulement elles ont une puissance énorme, mais en plus, nous ne savons pas vraiment ce que nous faisons, disait Günther Anders, puisque finalement, nous pouvons avoir un impact par cette technologie sur des êtres que nous pouvons même pas, dont le nombre est irreprésentable. Et du coup, ce qu'il appelle le décalage prométhéen entre ce que nous faisons et ce que nous pouvons appréhender rationnellement, ne nous aide pas à agir de manière responsable, et au contraire, peut faire qu'on se croit tout à fait qu'on va se défausser. Mais Paul Valéry disait, l'homme sait en général ce qu'il fait, mais il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. Vous dites carrément, nous ne savons pas ce que nous faisons. Disons mais, que Günther Anders le dit, je trouve qu'il a raison. Mais si nous ne savons pas ce que nous faisons, comment est-ce qu'une déclaration nous indiquant ce qu'il faut faire pour que puisse être peut-être crédible, alors, sachant qu'on ne peut même pas connaître les conséquences de nos actes. Eh mais justement, c'est pas une simple impuissance. Le fait de savoir que certaines technologies, justement, nous mettent dans cette situation, c'est un avertissement et qui, justement, nous indique qu'il y a des seuils à ne pas dépasser et nous indique au moins qu'on peut ne pas faire la grève, en tout cas, de certains produits. Pour Günther Anders, sans doute le nucléaire. Alors, pour revenir à votre question, les déclarations ne nous disent pas ce qu'il faut faire. Elles, disons, nous invite à, si vous voulez, adosser les droits classiques, droits de l'homme, sur un nouveau droit existentiel qui prend en compte notre dépendance à l'égard des écosystèmes et du fait aussi pour garantir les droits sociaux ou la première génération des droits de l'homme, même les droits libertés, eh bien, il faut un environnement sain. Parce que sinon, donc du coup, il y a l'idée quand même que ça repose effectivement sur un sujet qui n'est plus celui qui sous-tend les philosophies de la liberté. Et moi, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Je crois que il est très important de nos jours, à la fois de réaffirmer les piliers des Lumières, on l'a dit, la liberté de penser, la démocratie, la société, l'entendement, l'autonomie, l'égalité, et puis la rationalité, les sciences, etc., toute l'ingéniosité humaine, et en même temps, il s'agit de contester le dualisme nature-culture et le fait que l'humain a souvent été pensé comme un atome, comme simplement liberté, alors que la liberté, n'est pas arrachement à la nature, comme si la nature n'était qu'un décor de l'histoire. Et nous ne sommes pas, pour reprendre la belle expression de Spinoza, un empire dans un empire, mais nous sommes dépendants de l'air, de l'eau. Il y a une communauté de vulnérabilité avec les autres vivants qui, aujourd'hui, à l'époque de cette pandémie, éclate et convainc même les plus sceptiques. Donc, du coup, ça oblige non pas à jeter le bébé avec l'eau du bain, à renier l'héritage des Lumières, ni à embrasser une ontologie du mélange qui ne verrait aucune distinction entre le virus, la plante et l'humain, mais ça invite à changer de l'intérieur la conception du sujet, toutes les concepts qui fournissaient l'armature conceptuelle de l'éthique du droit. Et ça, c'est absolument fondamental, et je crois qu'on a les moyens de le faire, non pas parce qu'en invoquant des valeurs, qui sont toujours les valeurs de quelqu'un, c'est comme la morale chez Léo Ferré, mais en s'appuyant sur la description rigoureuse de l'humain dans son existence, en tant qu'il mange, qu'il respire, qu'il habite la terre et qui donc cohabite avec les autres vivants. Et là, cette condition corporelle et terrestre de l'humain, eh bien, nous permet, et ça c'est quelque chose d'universel, quelles que soient nos appartenances ethniques et religieuses, eh bien, ça nous permet d'avoir un support pour définir des piliers au niveau normatif, l'éthique, la justice, et justement, on ne peut pas borner l'éthique et la justice, la politique, à simplement le jeu entre nos libertés rivales, mais la prise en compte de la biosphère, le rapport aux animaux, et à la fois comme individu et en tant qu'espèce, ce souci pour les générations futures s'invite au cœur de l'éthique et de la politique. Donc c'est une révolution anthropologique, philosophique, qu'il faut portée, et les Lumières à l'âge du vivant en sont un des éléments, sans doute en tout cas, qui parachève le travail que j'avais fait auparavant. Je maintiens que c'est un projet assez écrasant. Mais Corinne Pelluchon, quels sont parmi les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, pour la plupart, ceux que vous préférez? Moi j'ai beaucoup de tendresse pour Rousseau. Parce que vraiment des Lumières, Rousseau? Eh bien, Rousseau, c'est l'homme des Lumières qui conteste un peu les Lumières. Et c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Les Lumières et anti-Lumières. Ah, il n'est pas anti-Lumières. Parce que les anti-Lumières, c'est très important de faire cette mise au point. Les anti-Lumières, comme structure intellectuelle, c'est l'idée de fonder une société hétéronome, hiérarchique, souvent théocratique. C'est la haine de l'égalité, de l'unité du genre humain. Et souvent, la haine de la raison est une arme de guerre pour un projet de société hiérarchique qui est fondé sur la domination des uns par les autres. Au contraire, Rousseau, c'est un homme qui invente d'ailleurs le mot perfectibilité, hein, avec l'idée que l'humain d'ailleurs c'est ambivalent, hein, parce que il peut devenir le tyran de lui-même. Mais c'est cette conscience de l'ambivalence aussi des technologies, enfin des techniques qui est bien chez lui. Et puis, disons qu'il y a c'est à la fois quelqu'un qui pense, comme les hommes des Lumières, la liberté comme arrachement à la nature, mais en même temps, la nature n'est jamais loin, la sensibilité n'est jamais loin. Donc c'est vrai que, mais il y a aussi Diderot, parce que en fait, on a souvent tendance à caricaturer les Lumières en oubliant leur extraordinaire diversité, en les réduisant à un continent ou à une époque, et en oubliant les divergences qu'il y a entre les auteurs. Et c'est vrai que Diderot, par exemple, a fait l'éloge de la nature sauvage dans Supplément au voyage de Bougainville. Donc du coup, le dualisme nature-culture n'existe pas, en tout cas pas autant qu'on pourrait le croire. Quand je parle qu'il faut effectivement une autocritique des Lumières, c'est parce que le projet hérité des Lumières est quand même un projet de maîtrise. Et que c'est vrai, il y a quand même un rationalisme abstrait. Et puis, bon, il y a une rupture entre le XVIIIe siècle et nous. Il y en a même plusieurs technologiques. Il y a Darwin qui quand même modifie les cartes de la représentation de l'humain dans son rapport aux autres vivants et au hasard, la contingence hein, qui entre au cœur du réel et de l'évolution. Et puis, il y a l'histoire, on le disait tout à l'heure, il y a une éclipse des Lumières liée au fait que les goulags, le national-socialisme, les camps de la mort, la bombe atomique, tout ça fait que l'idée d'un progrès de la raison en a pris un sérieux coup. Et est-ce que vous ajouteriez à cette liste, alors j'ai noté Rousseau, Diderot, est-ce que vous mettriez David Hume? Ah oui, tout à fait. John Locke? Oui, alors, Kant, beaucoup. Kant. Alors je vous propose une expérience de pensée. Imaginons qu'on les mette tous les 4 ou 5 dans une capsule temporelle. Ouais. Et on les fait atterrir aujourd'hui, en 2021. Et on leur fait visiter notre époque. Alors, étape par étape, parce que je pense qu'ils seraient trop surpris s'ils découvraient tout d'un seul coup. On les emmène suivre un cours de mathématiques en classe de terminale, par exemple. On les emmène au CERN, on les promène dans les rues de Paris. Qu'est-ce qui les enthousiasmerait et qu'est-ce qui les choquerait? Ah, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée « ose penser par toi-même » de Kant n'a pas pris une ride, puisque beaucoup de personnes ont besoin de s'accrocher à un gourou. Ça reste quand même... Et puis le vieux Kant, qui était assez austère, sans doute, ricanerait en voyant finalement le fait que... la chevermeraille, l'illuminisme n'a pas pris une ride non plus, en tout cas la critique de cette espèce d'intuitionnisme qui a alimenté cet été certains débats où d'aucuns se voyaient animés d'une vision intellectuelle des choses. Et donc du coup, c'est-à-dire que c'est, je ne sais pas ce qu'il dirait, en tout cas, certaines de leurs critiques, la critique de l'obscurantisme, la critique de l'illuminisme ou chevermeraille, dont on pensait dans les années 70 que c'était réglé, je crois que c'est revenu en force. Mais est-ce qu'il ne serait pas choqué d'apprendre, par exemple, qu'on peut déposer un robot sur Mars et que des gens dorment dans la rue? Ah bien sûr. Bien sûr. Mais si vous voulez, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mettre un robot sur Mars, ce serait vraiment quelque chose qui considérerait comme un progrès? C'est ça qu'on peut se poser. De toute façon, revêtir les lunettes de ces philosophes-là, dont on peut évidemment pas savoir ce qu'ils diraient aujourd'hui, mais revêtir les lunettes de ces philosophes-là, c'est quand même se demander ce qui, dans leur message, parfois très différent, a encore du sens aujourd'hui, et ce qui nous oblige, nous, au XXIe siècle, à faire bouger cet héritage des Lumières. Mais et là, il y a quand même des choses à faire, il y a du travail à faire. Oui, il y a du travail, c'est moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que dans l'esprit des Lumières, il n'y a pas l'idée d'une sorte, je pense à Condorcet notamment, oui, une sorte d'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès, scientifiques, techniques, oui, matériels, morales, politiques? Alors là, vous avez raison. Et même cette idée chez D'Alembert, dans l'article qu'il a écrit dans l'encyclopédie intitulée Géomètre, qui est l'ancien mot pour dire mathématicien, oui, termine en disant, prenez une société tyrannique, formez dans cette société quelques géomètres, quelques temps plus tard, le peuple se sera libéré de son joug. Oui, c'est vrai. Vous ne connaissez pas la Corée du Nord où il y a d'excellents géomètres. Oui, alors c'est vrai que nous, au XXe et XXIe siècle, nous avons des raisons de soupçonner la raison. C'est-à-dire qu'il y a une critique à faire de la raison, parce que celle-ci, il peut y avoir une irrationalité du rationalisme. Il peut y avoir une inversion du progrès en régression, et moi je le rattache, ce nihilisme-là, je le rattache à deux causes. La première, c'est quelque chose qui se passe lors de la modernité tardive, donc après les Lumières du XVIIIe siècle. Dans ce qu'on appelle, et ce que les pères fondateurs de la théorie critique, Adorno et Horkheimer, ont diagnostiqué, c'est ce qu'on appelle le rationalisme instrumental. La raison n'étant plus l'organe de l'universel, s'étant subjectivé, devenant un instrument au service des individus dans ce qu'ils ont plus de particulier, va être réduite à une fonctionnalité et va devenir calcul, va finalement donner naissance à des phénomènes contradictoires, opposés, en tout cas différents, mais qui ont comme point commun d'être l'expression de la quantification, la bureaucratisation, les totalitarismes en sont les manifestations. Et puis, selon moi, à cette amputation de la raison, parce qu'elle est seulement calcul, ratio, aveugle et aux fins, elle perd de vue ses fins, elle n'est plus capable de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, dit Horkheimer dans l'éclipse de la raison, eh bien cette amputation-là, eh bien s'ajoute selon moi quelque chose qu'il faut penser aujourd'hui et qui revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire ce dualisme nature-culture, ce dualisme civilisation-nature qui est commun à l'Occident, donc aux Lumières, et qui explique peut-être que les Lumières, ces héros des Lumières du XVIIIe siècle, eh bien que cet héritage-là n'est pas suffi à nous préserver de la barbarie extrême dont le XXe siècle a été un point culminant, et de cette toujours possible inversion du progrès en régression que nous voyons, puisque notre époque est marquée, Günther Anders le disait très bien, par le monstrueux, les crimes de masse, l'extinction de masse des espèces, et ce fait que les crimes trop grands, qui échappent à notre capacité de représentation, finalement, eh bien, ça passe encore plus, parce que justement, ça est, ce qu'on disait tout à l'heure, ça érode notre capacité, notre jugement. Le jugement moral d'un être du XXe et XXIe siècle est peut-être plus difficile, c'est plus difficile peut-être encore d'aller le chercher qu'au XVIIIe siècle, où les choses étaient plus claires, puisque les techniques n'avaient pas cette ambivalence. Mais justement, est-ce que le progrès, ou la philosophie des Lumières, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ne suppose pas qu'on peut distinguer parfaitement le bien du mal? Croire au progrès, c'est finalement relativiser le négatif. C'est penser que ce qui ne va pas est le ferment du meilleur. C'est ce sur quoi on peut travailler pour le sortir de sa négativité. Oui, alors ça, je crois que le mal pour un bien, au XXe siècle, ça marche plus. Ça, c'était Odyssée. Ça, Lévinas serait pas content. Non, mais c'est ça qui fait que cette idée a, oui, là, il y a une rupture, connu une sorte d'éclipse, comme oui, vous dites. Oui, mais le progrès, c'est surtout une idée du XIXe siècle. Cette idée de la linéarité. Je crois que le XXe siècle, XXIe siècle, c'est quand même le siècle de du tragique. C'est-à-dire de l'irréconciliabilité des points de vue, de l'irréparable. Mais je crois que ce qui est intéressant quand même, c'est que nous avons peut-être aujourd'hui l'occasion de faire une autocritique des Lumières qui, finalement, paradoxalement, permet de reprendre leur héritage et d'être fidèle à leur esprit critique, qui permet de renouer le lien entre la théorie et la pratique qui a quand même été cassée, mais sans nier ce vice de la civilisation occidentale qui est peut-être ce dualisme nature-culture, cette manière de mettre l'humain en dehors de la nature dont vous parliez au début de cette émission. Corinne Peluchon, vous savez, après la première demi-heure de cette émission, nous passons à un morceau de musique choisi par l'invité. Vous avez choisi, et je pense que c'est à mettre au crédit du progrès, une chanson des Rolling Stones. Wild écoutons-la. nothing for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Corinne Peluchon, ça me gêne d'interrompre cette chanson. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Wild Horses des Rolling Stones ? Il y a une raison qui est liée au sujet ou c'est juste parce que c'est une belle chanson ? Oh, c'est une belle chanson, j'adore Mick Jagger. Et puis oui, il y a quelque chose de... c'est une chanson un peu triste, mais il tient bon, quoi. C'est une chanson de 1971, oui, dont les paroles sont énigmatiques. Très. J'ai ma liberté, mais je n'ai pas trop de temps. Ouais. Même des chevaux sauvages n'arriveraient pas à m'arracher d'ici. Ouais. C'est quoi le message ? J'en sais rien, mais ça me plaît. Ok. Alors, je vous invite pour que nous parlions de votre livre, Corinne Peluchon, qui s'intitule « Les lumières à l'âge du vivant ». Bon, ça veut dire que nous sommes à l'âge du vivant. Comment est-ce que vous le définiriez ? Alors, nous sommes à l'âge du vivant. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'on affirme, qu'on défende, qu'on puisse promouvoir l'âge du vivant. C'est-à-dire que quand je disais que les lumières, c'est une manière de se positionner par rapport au présent et de nommer... c'est une époque qui se nomme elle-même. Eh bien, moi, j'ai essayé de faire ce travail. Et pour moi, effectivement, il y a des signes avant-coureurs de ce que j'appelle l'âge du vivant dans ce livre et dans des livres précédents. Et le souci, notamment des jeunes, pour l'écologie, pour la cause animale... Justement, cette révolution anthropologique liée à la prise en compte de notre condition terrestre et charnelle qui redonne de l'épaisseur à l'idée de l'unité du genre humain, eh bien tout ça pour moi dessine ou pourrait dessiner un nouvel âge dont il s'agit évidemment, enfin qu'il s'agit d'accompagner parce qu'il a contre lui des forces extrêmement puissantes, qu'il s'agisse du transhumanisme, qui pour moi est une figure des anti-lumières, pour des raisons que je détaille, qu'il s'agisse aussi évidemment du maintien des modèles extractivistes et productivistes, qui sont les manifestations aujourd'hui de ce que j'appelle le schéma de la domination, lequel est une matrice, un principe organisateur de la société qui détermine les choix, l'ensemble des représentations qui déterminent nos choix économiques, politiques et qui règlent même notre rapport aux autres, hein, qui transforme tout en guerre, pour ainsi dire. Et je crois que justement, nous sommes à la croisée des chemins. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes à la croisée des chemins à une époque très dangereuse, pas seulement sur le plan sanitaire et écologique, mais aussi sur le plan politique, avec des manifestations un peu préfascisantes, un peu partout, mais une critique de la raison qui est dangereuse à tous égards, mais nous sommes aussi à une période où, si on fait son travail, et que justement, en tout cas le travail des philosophes, qu'on s'attelle à la tâche des philosophes, qui est de repenser justement, selon moi, le rationalisme, et de diagnostiquer la crise de notre temps aussi comme étant une crise du rationalisme, à la fois comme crise morale et comme détresse de méthode, disait Husserl. Eh bien, je pense qu'on peut à la fois reprendre l'héritage des Lumières et créer de nouvelles lumières, parce que justement il y a un saut par rapport à celle du passé, saut lié à l'histoire, aux technologies, à Darwin notamment, donc épistémologique, mais aussi saut lié à cette cassure qu'il faut faire, à cette manière d'extirper eh bien, ce vice de la civilisation qui est cette coupure de l'humain avec les autres vivants, qui selon moi nous permet, qui ne conduit pas du tout à enterrer l'humanisme et à mettre les humains et les animaux au même niveau, mais qui conduit l'humain à penser justement ses responsabilités à l'égard des autres vivants et à repenser le sens de sa vie de manière différente, comme justement n'étant pas lié seulement à la bataille pour avoir des biens, à la compétition, mais comme étant lié, c'est ce que j'appelle à la considération, ou l'idée d'appartenance au monde commun fait que j'ai d'autres désirs que ceux de l'homo economicus. Voilà. Donc, à la question que vous me posiez tout à l'heure, comment on fait pour s'intéresser à d'autres qu'à soi, c'est pas avec des injonctions moralisatrice, ni avec des obligations, bien sûr, au niveau normatif qui est ces déclarations, c'est important, mais il y a l'idée d'une transformation de soi et aussi de mouvements sociaux dont je parle, de minorités actives, mais aussi des personnes, les paysans qui voyant que le modèle eh bien, qu'on leur impose finalement les conduit à la ruine et au désespoir, eh bien il y a aussi à la fois la possibilité et surtout la nécessité de s'organiser, de transformer les choses. Alors, pour l'instant, souvent, les évolutions sont au niveau local. Mais moi, je trouve que, en tout cas, c'était mon travail, celui que j'ai pensé comme nécessaire, que de m'atteler à cette tâche consistant à dire ce que seraient les Lumières et comment on pourrait aller plus loin qu'une simple adaptation des lumières passées au contexte actuel. Alors, il y a un saut à faire. Corinne Pelletchon, vous avez parlé de la guerre, des guerres. Oui. Et vous citez dans votre livre Léo Strauss, que vous connaissez très bien. Vous pouvez d'ailleurs nous rappeler qui c'est. Ah, Léo Strauss, c'est un philosophe juif allemand, né à la fin en 1899, si mes souvenirs sont exacts, et mort en 1973, qui a émigré aux États-Unis en 1938, et qui est génial, que je considère comme mon maître. J'ai fait ma thèse dessus, même si avec un maître on rompt sur certains points. Mais c'est un auteur connu pour ce qu'il a fait en philosophie politique, ses commentaires, mais qui fait une genèse du nihilisme, qui se prend en pleine figure le national-socialisme et l'effondrement de la République de Weimar, et qui est obsédé par l'idée justement d'une critique constructive de la modernité, mais néanmoins une critique assez radicale. Et voilà, et il a des diagnostics, plusieurs diagnostics très intéressants sur le nihilisme des années 30 et aussi sur les points morts, les points d'aveuglement des Lumières, justement sur la notion de progrès. Alors voilà ce qu'il écrit, je le cite, « Si les sociétés croissent, rien ne nous garantit qu'elles ne prendront pas à d'autres la lumière du soleil. Celui qui prêche la croissance sans penser au terme de la croissance, à la limite au-delà de laquelle il ne peut plus y avoir de croissance, prêche la guerre. » C'est ça, c'était ça votre message tout à l'heure. Ah oui, je dirais que le mien, il est même pire. Parce que là, c'est plutôt l'idée, lui, que la domination de la nature entraîne une domination sociale. Ou disons que la croissance illimitée bien n'est pas possible sans qu'on asservisse autrui ou d'autres peuples. Bon, ce qui est une réalité. Moi, je parle d'une domination qui est installé finalement dans notre imaginaire. C'est-à-dire que, et là je prends un petit peu, tout en m'en séparant, au père fondateur de la théorie critique, la domination elle est triple, c'est une domination des autres, mais c'est une domination de la nature extérieure et de la nature à l'intérieur de soi. Et moi je crois réellement que en séparant l'humain des autres vivants, séparation radicale, justement coupant radicalement la civilisation de la nature, eh bien on s'amputait justement d'une dimension de soi et on gommait cette commune appartenance à cette condition charnelle et terrestre, et cela ouvrait un cycle maudit. En fait, décidément, j'ai beaucoup de liens avec les Strauss, parce que moi je me sens assez proche finalement d'une citation de Claude Lévi-Strauss qui, je trouve, est très représentatif de ce problème de l'Occident, mais là encore, il ne s'agit pas de s'en tenir à une critique seule de l'Occident. Mais il dit, on a commencé dans l'anthropologie structurelle à couper l'homme de la nature par le constituant règne souverain. On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant, et en restant aveugle à cette propriété commune, on a donné champ libre à tous les abus, jamais mis au terme. Mieux qu'au terme des quatre derniers siècles de son histoire, l'homme occidental ne put-il comprendre qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il retirait à l'autre, il ouvrait un cycle maudit et que la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter les hommes d'autres hommes. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est ce mouvement-là. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faille en revenir à une pensée de adhérer à une pensée de l'indistinction qui est très à la mode aujourd'hui. Mais pour les Lumières, il y avait des propres de l'homme. Oui. Est-ce que l'évolution que nous avons connue nous permet de dire encore qu'il y en a, ou est-ce qu'il faut abandonner cette idée en invoquant une sorte de continuité entre nous et le monde vivant? Bah ça, c'est très important de préciser les choses. Il y a ce qui était considéré comme un propre de l'homme, n'est pas seulement propre à l'homme, c'est sûr. Les techniques même, bon. Mais ce qui est sûr, il y a quand même une spécificité de l'humain. Bon, les sciences, pour envoyer un robot sur Mars, quand même. Voilà, les sciences, la capacité à se mettre dans le monde environnant d'un être appartenant à une autre espèce, la responsabilité. Hein. Les animaux n'ont pas la capacité à être responsables d'êtres dont qu'ils ne voient pas, qu'ils ne côtoient pas. Mais il y a, je crois que ce qui est important, c'est à la fois de penser le lien, enfin ce qui nous unit aux autres vivants, mais sans effacer les grandes différences. C'est toujours pareil, il s'agit de tenir les lignes de similitude et d'accepter l'altérité, qui est vraiment le mot majeur des Lumières à l'âge du vivant. C'est-à-dire non pas gommer tout dans une pensée de l'indistinction qui finalement va aussi conduire à un relativisme, lequel conduit lui aussi au nihilisme, conduira à minimiser, par exemple à dire qu'une carotte, eh bien la manger, c'est et manger un animal et manger une carotte, c'est pareil, vous voyez. La pensée de l'indistinction, elle conduit toujours à tout mettre sur le même plan. Alors que là, il s'agit de penser les différences entre les êtres, l'hétérogénéité des accès au réel, et l'humain, d'ailleurs, adore se plonger dans d'autres existences et essayer de comprendre d'autres intentionnalités, les éthologues. Mais donc les sciences, c'est pour moi, de toute façon, ce sont des formes de regard dans ce qui est, qui sont effectivement spécifiques à l'homme. Donc, mais justement, qu'est-ce qu'on fait avec les sciences? Parce que les sciences engendrent une forme d'incertitude d'un genre très spécial. Les connaissances scientifiques ont ceci de paradoxal, qu'elles ouvrent des options tout en produisant de l'incertitude. Mais c'est une incertitude très spéciale. Nous ne pouvons pas savoir, grâce à nos seules connaissances scientifiques, ce que nous devons faire d'elles. Nous savons comment faire des centrales nucléaires, des bombes atomiques, des OGM, mais la science ne nous dit pas si on doit le faire. Donc comment est-ce qu'on arbitre parmi toutes ces possibilités, celles qui sont conformes au projet que vous défendez? Ah mais ça c'est fondamental, c'est-à-dire que comme on a deux jambes, eh bien la raison a deux antennes, et Patochka, l'élève préféré peut-être, en tout cas l'élève chéri de Husserl, disait que la raison, eh bien, elle peut avoir deux figures, Démocrite et Platon. Démocrite, les sciences, Platon, la dimension morale, les finalités. Je crois que ce qui est fondamental, c'est effectivement de savoir que les sciences découpent le réel, sont des habits du réel, permettent d'avoir une intelligence des phénomènes et même de manipuler le réel pour qu'on puisse... C'est même un pouvoir. C'est un pouvoir, bien sûr, et qui peut conduire à l'action ou à des actions. Maintenant, comme on le disait au début de cette émission, Il s'agit d'être un scientifique sans être un positiviste ni un réductionniste, c'est-à-dire sans être quelqu'un qui oublie que justement les sciences sont des habits du réel et non le réel lui-même. Donc il faut pratiquer justement l'époké, la suspension de l'attitude naturelle, ou en termes plus classiques, avoir une réflexivité, savoir que les outils permettant de regarder de manière si ingénieuse les phénomènes, pour les étudier, voire agir sur eux, sont des outils, c'est une manière de découper le réel, mais ce réel, il est découpé sur quoi ? Sur un monde intersubjectif commun, que Husserl appelle le monde de la vie, qui n'est pas le monde des vivants, qui est le sol, c'est notre vie, quoi. C'est-à-dire que le monde où on existe, les finalités. Et là, il s'agit de s'interroger dans quelle société voulons-nous vivre. Et ça, c'est pas non plus quelque chose qui est dans le ciel des idées. Il n'y a pas l'autonomie, ça veut dire que c'est aux humains, à chaque époque, à définir, eh bien individuellement, mais aussi collectivement, question de savoir comment, dans quelle société ils veulent vivre et ce qu'ils ne veulent pas faire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les sciences et surtout les technologies, eh bien finalement, c'est le marché qui dicte les choses. Ce n'est pas les produits mis sur le marché. C'est ni vous ni moi qui pensons que nous en avons besoin. Finalement, il y a quelque chose d'autonome. Il y a non seulement des moyens illimités qui s'inversent enfin, mais il y a aussi un système qui s'est mis en place où il y a création de nouveaux besoins qui pousse les êtres à faire ceci, cela. Il y a une compétition ou une guerre, finalement, pour arriver à mettre sur le marché des produits qui ne servent à rien, qui ne préservent pas le monde commun. Donc la question là qui se pose à nous, qui sommes armés jusqu'aux dents, c'est comment mettre des limites à ce que nous faisons. Et ces limites n'ont pas été assignées d'en haut, mais elles ont été discutées. Et c'est là, évidemment, c'est une tâche énorme. Mais encore une fois, je crois que la réflexivité, c'est, et moi, quand je parle de destituer le schème de la domination, que le schème, c'est vraiment un gros caillou, un concept balise, cairn, que j'essaie de mettre pour que, justement, en mettant ces lunettes-là, on voit un petit peu ce qui fait le lien entre le capitalisme, entre la bureaucratisation, sans s'arrêter à une simple critique idéologique des choses. Et le schème de la considération, c'est justement quand, fort de cet élargissement du sujet consécutif à la prise de conscience de sa condition charnelle et terrestre et du lien l'unissant aux autres vivants, eh bien, on a envie de préserver ce monde commun. Et pour ça, il y a des choses qu'il faut pas faire. Et par exemple, rendre un virus dangereux pour l'homme, juste pour étudier ce que ça fait, quand on voit ce que ça pourrait générer comme effet nous échappant totalement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ou, encore une fois, pour parler comme Günther Anders, il y a une grève de certains produits à faire, parce que justement, il nous échappe et il créerait un monde qui serait délirant pour nous. Mais tout à l'heure, vous avez dit les sciences sont des habits du réel. C'est une expression de étrange. De Husserl. Oui, non, justement. Ouais. À mon avis, c'est quand même un peu plus qu'un habit. Quand on découvre une particule, ça veut dire, non pas qu'on décrit le réel, mais on entre en contact avec quelque chose qui a à voir avec le réel. C'est plus qu'un habit. Ah oui, mais l'habit, il est saillant. C'est-à-dire qu'un habit saillant met en valeur ce réel, met en valeur ce corps. Donc du coup, mais effectivement, c'est vrai que cette métaphore, comme toute métaphore, elle a des petits défauts. Mais elle vient de Husserl. Elle ne dit pas la puissance actuelle de la science. C'est vrai. C'est vrai. Et justement, vous parlez de la fameuse conférence de 1935 de Husserl, la crise de l'humanité européenne, dans laquelle on trouve cette phrase, Galilée, a taillé un vêtement d'idées dans l'infinité ouverte des expériences possibles, mais il s'est comporté en couturier despotique. Il a décrété que le réel ne portait pas d'autres vêtements que celui-là. Oui. Ben, c'est-à-dire que... Justement, comment ne pas liquider ce que nous apprend la science au motif que nous avons un mauvais usage du monde, pour reprendre le chapeau que j'ai lu tout à l'heure. Alors, il y a les sciences elles-mêmes, bravo à leur réductionnisme, au sens où elles comportent toujours un moment réductionniste. C'est-à-dire que pour agir sur les phénomènes, il faut bien les réduire, notamment pour le vivant, leur composition physico-chimique, etc., les voir d'un point de vue. Avoir ce regard clinique où, effectivement, la mathématisation de la nature a été utile pour agir, etc., sur elle. Mais là où il y a dogmatisme, c'est quand, justement, il y a occultation du fait que c'est une interprétation, c'est une manière d'outiller le réel pour agir. C'est ce qu'il appelle l'enlisement dans l'objectivisme. Oui, ou l'occultation, mais, c'est-à-dire que c'est un naturel. Mais est-ce que vous pensez que vraiment on est là-dedans aujourd'hui ? Est-ce que le référentiel de nos populations est dicté par ce que la science nous apprend ? Ah bah écoutez, les personnes qui réduisent la pensée au cerveau commettent justement... oublient d'avoir un rapport réflexif aux sciences et sont dogmatiques au sens où elles prennent un élément fondamental de la pensée pour la pensée. De même, ceux qui sont positivistes, c'est-à-dire qu'ils croient que les faits c'est vraiment bien, sauf qu'ils oublient que les faits sont construits par plein de choses, socialement, par les techniques, par les outils qu'on utilise pour voir les choses, les microscopes, etc. Donc là, en fait, ce que nous dit Husserl, c'est ayez de la réflexivité. Et pour les techniques, là où c'est plus compliqué, c'est que les technologies, de toute façon, le rapport qu'on a à nos technologies, il est imprévisible. Il y a aussi des propriétés émergentes. Et par exemple, quand on prend l'intelligence artificielle qui est utilisée beaucoup en médecine pour le pronostic, pour le diagnostic des maladies, des lésions, etc., pour la lecture des IRM, etc., c'est très puissant. Mais le gros problème, c'est que, comme le disait Ellul, les techniques sont jamais neutres parce que, et j'ai un étudiant qui a fait un travail excellent dessus, Cyril Woolnock, qui veut travailler en thèse dessus, et il a tout à fait raison. Il disait que ce qui est très intéressant, c'est que finalement, l'intelligence artificielle est proposée comme une aide pour l'humain, mais en fait, elle va se substituer à l'humain parce que on peut pas reconstituer les chaînes de raison ayant conduit les data, il y en a tellement. C'est des boîtes noires. Voilà, exactement. Et du coup, effectivement, ça pose des problèmes. Et puis, de manière générale, je crois, et ça, Husserl ne nous permet pas de le faire, il faut s'interroger aujourd'hui sur les effets cognitifs et sociaux du digital, des technologies. Non seulement il faut se demander dans quel monde la bombe atomique serait possible, dans quel monde telle ou telle technologie est possible, émerge et devient un gadget, etc., mais aussi ce qu'elles nous font de nous et comment elles nous changent, comment elles remodèlent la subjectivité, les rapports sociaux, la démocratie. Ça, ce sont des enjeux du siècle. On commence à le voir, mais où est la pédale de frein ? Ah ben ça, la pédale de frein. Alors la pédale de frein, dans une démocratie, ça peut pas être un maître émancipateur ni un tyran. Mais ça doit être éclairé. C'est quoi être éclairé aujourd'hui ? C'est quoi un projet ? C'est quoi adosser les technologies et les sciences et tout ce que vous voulez, un projet d'émancipation individuelle et collective? Bon, individuelle, ça suppose effectivement une information de qualité, un travail critique. Et un travail critique, c'est pas de la simple information, c'est relier les informations à son vécu. C'est pas la galvanisierung dont parle Benjamin, qui dit qu'il y a plein d'idées comme ça, qu'on se gargarise d'idées qui n'en sont pas. Ce qui est d'ailleurs une belle peinture de notre époque. Mais ça suppose aussi des circuits de communication entre les sciences, les décideurs, la société. C'est tout à fait aussi vos sujets. Et ça suppose fondamentalement un rapport au vrai. Un rapport, pas le vrai dont on serait possédé par le vrai. On a toujours un angle, on peut pas voir complètement les choses. Mais au moins le rapport au vrai. Mais comment est-ce que concrètement on peut organiser de tels débats ? Pour que finalement les sociétés démocratiques d'aujourd'hui puissent décider en connaissance de cause du type de compagnonnage qu'elles souhaitent avoir avec les nouvelles technologies. Alors, que ce soit la 5G ou l'intelligence artificielle, c'est un peu la même question. Alors déjà, la première chose, et c'est difficile, c'est éviter de s'enliser dans les idéologies. Les réponses sommaires et rapides aux choses complexes. C'est apprendre à douter, apprendre à ne pas avoir des avis sur tout, donc ne pas être un toutologue. Mais surtout des avis. Mais il y a un effort au niveau... Bon, moi, je fais partie actuellement d'un petit groupe qui s'interroge sur la manière dont au lycée, au collège, on peut apprendre davantage l'évolution et l'écologie. Ben, ça demande de s'opposer à des obstacles épistémologiques. Par exemple, souvent, le vivant est pensé comme un tissu homogène. Non, le caractère dynamique du vivant. Bon, tout ça, vous, en physique, vous savez à quel point il y a des obstacles épistémologiques à la connaissance. Et puis, il y a aussi, pour penser les obstacles, pour pourquoi on voit le bien, on l'aime et on fait le mal, pour reprendre Rousseau citant Ovide. Pourquoi ce décalage entre la théorie et la pratique, notamment sur la question animale, l'écologie? Eh bien, il y a aussi une intelligence des émotions à acquérir. Ça, les chrétiens, Platon, nous apprenaient à justement voir quelle rationalité, ou qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le contenu cognitif que recèle une émotion, au lieu d'y adhérer et d'être aveuglé par cela. Donc là aussi, bon, son métier d'homme, il est toujours à faire. Aujourd'hui, je dirais qu'on est quand même dans cette raison calcul, dans cette espèce de... Et puis, quand même, on baigne tous dans cette espèce de schème de la domination où la compétition, la guerre de chacun contre chacun domine. Or, justement, la prise de conscience, parfois dans la douleur, de ce qui munit aux autres vivants, de la prise de conscience de sa finitude, de sa vulnérabilité, peut être aussi un chemin pour modifier profondément sa subjectivité. Justement, l'épidémie que nous traversons, ou plutôt qui nous traverse, en nous montrant la force de ce qu'on pourrait appeler notre socle biologique, oui. Est-ce qu'elle va aider à cette prise de conscience, ou est-ce qu'au contraire, elle va la freiner? Je ne sais pas ce qu'elle fera, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important à apprendre de la passivité et de ce que justement de cet impouvoir. L'impouvoir, ça devrait amener, voyez ce que Husserl dit qu'il faut faire pour faire de la philosophie et reprendre le geste inaugural des Lumières lié à l'étonnement chez Socrate. Eh bien, c'est l'époké, la suspension de son jugement, le silence. Eh bien, je crois que c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Finalement, une sorte de retrait, de silence pour remettre en question, pas à pas, l'ensemble des schémas qui gouvernent notre rapport aux autres, à la nature, à nous-mêmes, au corps, qui est aboutissant à bien vraiment remettre en question le modèle productiviste, le rapport aux animaux. Et je crois d'ailleurs que le rapport aux animaux et l'écologie sont comme les chapitres essentiels de ce vaste remaniement intellectuel qui pourrait être la chance des nouvelles lumières, des lumières à l'âge du vivant, mais encore une fois, il a contre lui tant de choses, le complotisme, la galvanisierung, ou les idées superficielles. Qu'est-ce que c'est? Oh, la galvanisierung, c'est un mot de Benjamin qui dit, c'est un peu le pipeau, quoi, les idées. La flûte. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui sature l'espace public. Et donc, la réflexivité, la patience du concept. Mais je crois qu'en fait, c'est aussi la responsabilité du philosophe qui ne peut pas grand-chose, mais quand même d'essayer de dessiner quelque chose qui est collectif, quelque chose qui peut prendre du temps. Comme Husserl, il y a l'idée de la philosophie, elle est cosmopolitique. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Corinne Pelluchon d'être venue nous éclairer, si j'ose dire, sur les nouvelles lumières. Je recommande la lecture de votre livre « Les lumières à l'âge du vivant » qui est paru au Seuil. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'anagramme de l'esprit des lumières? Qui va dans le sens de votre livre d'ailleurs. Mais vous me l'avez dit, je crois. Il s'est perdu, misère. Ah oui. Anagramme qui a été trouvé par Olivier Garcia, que je remercie, c'est lui qui me l'a indiqué. Voilà, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Théo Gomard et à la réalisation Esther Valencic. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gelsberg pour En français dans le texte.